Vous ricanez là, mais c'est quand même vrai que je suis pas n'importe qui. Hein. J'ai un quotient intellectuel de 130. Ouais, tu peux siffler. C'est énorme. Cela signifie tout simplement que je suis doué d'une intelligence exceptionnelle. C'est important l'intelligence. L'intelligence, c'est le seul outil qui permet à l'homme de mesurer l'étendue de son malheur. L'intelligence, c'est comme les parachutes. Quand on n'en a pas, on s'écrase. 130, rendez-vous compte, c'est considérable. Et je m'en suis aperçu tout à fait par hasard, hein, en subissant les épreuves d'un test professionnel. Oui, je voulais quitter ce glorieux métier de la scène pour lequel je suis si peu doué. Hein? Et je voulais devenir cadre à la SNCF. Oui, oui, oui. Cesser de lutter pour les feux de la rampe et céder enfin à l'appel du rail. Ne plus mépriser cette voix qui me poussait au train. À quoi bon, me disais-je, faire un bras d'honneur au chemin de fer quand on perd son bras de fer sur les chemins de l'honneur? J'ai fait le test, résultat 130. Et croyez-moi, les questions n'étaient pas évidentes. Hein. C'est à vous, là, qui devez plafonner à 100, 110. 85. 85, 60, 85. T'as essayé de me résoudre ce problème là. C'est une question du test. Concentrez-vous, c'est pas très difficile. Je vous donne, vous connaissez le principe, je vous donne 4 mots. Parmi ces 4 mots, cherchez l'intrus. Ok? Alors, métastase, chimiothérapie, Schwarzenberg, avenir. C'est dur, hein? Attends, j'ai une question de rattrapage à 5 points. Je vous donne encore 4 mots, mais là c'est plus subjectif. Parmi ces 4 mots, ce sont 4 prénoms. Un seul n'est pas ridicule. Réfléchissez bien. Bernard Henry, Jean Ederne, Pierre, Rika. Alors. C'est marrant, mais depuis que je sais que j'ai une intelligence exceptionnelle, je me sens beaucoup moins con. C'est vrai, avant, quand j'avais une idée, je n'étais pas toujours. Arrêtez de péter quand je parle, ça me disait. Avant, quand j'avais une idée, j'étais pas toujours sûr d'être capable de la réaliser. Hein. Mais maintenant que je sais que j'ai une intelligence exceptionnelle, je sais que je peux pas me tromper. Je fonce. L'autre jour, j'avais un problème compliqué qui s'est posé à moi. Je devais déplacer un énorme poste de télévision d'une pièce dans une autre. Et je disposais en tout et pour tout d'un câble de 2 mètres et d'une planche de 40 sur 60. Hein. Mais je vous assure, j'ai eu l'idée, mais en un éclair. J'ai appelé la mère de mes enfants. Je lui ai dit, chérie, c'est formidable, j'ai une idée. Tu pourrais pas bouger la télé parce que là, maintenant, j'ai pas le temps. Je fréquente plus que des 130. Hein. Oui, je suis pas raciste, mais en dessous de 130, c'est pas des gens comme nous. Hein. Je donnerai pas ma fille à un 115. Hein. Nous formons un club très fermé, que des QI 130. Giscard vient. Fabius vient. Pasqua aimerait bien venir. Cela dit, faut pas dramatiser, avec un petit QI de 110, on n'est pas complètement démunis. Il est à la portée du premier plombier venu de comprendre qu'un kilo de plume pèse exactement le même poids qu'un kilo de plomb. Alors qu'avec un QI de moins de 130, je suis sûr que vous n'êtes pas foutu de m'expliquer pourquoi, quand je bande, je pèse exactement le même poids que quand je bande pas. Ça vous embauche un coin, ça? Et non seulement je pèse le même poids, je ne change pas non plus de volume. Ça, c'est fou. Si vous ne me croyez pas, faites l'expérience ou le ricaner sautement vous aussi, enfin. Non, pas maintenant, hein. Chez vous. Bon, une fois chez vous, vous remplissez votre baignoire et vous entrez dans la baignoire sans bander. Je sais bien que c'est difficile, mais c'est. Il y a un effort d'imagination à faire. Hein. Tout ça, c'est affaire d'imagination. Je sais pas, moi, imaginez que vous mangez des moules mayonnaise tièdes dans un restaurant d'autoroute français avec Jean-Claude Bourret qui vous explique les montants compensatoires. Par exemple. Hein? Alors, bon, vous entrez bien dans la baignoire, la tête seule doit émerger, vous repérez le niveau de l'eau, et maintenant, bandez. Là encore, il y a un effort d'imagination à faire. Je sais pas, moi, imaginez... Imaginez que le groupe Indochine fait de la moto sans casque. Et boum! Ah ben, c'est toujours les meilleurs qui partent les premiers. Bien, maintenant, vous repérez de nouveau votre niveau d'eau. Et ben, mes enfants,